2. Ça, ça va. Ça aussi, ça va pas. Ah, tu peux. J'enregistre maintenant. بسم الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي صلى الله عليه وسلم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة Je n'ai jamais compris ce qu'on se fait. فجلس فيها قال البخاري رحمه الله تعالى non, pas, moi, أحمد حدثنا مالك Il y a un stand dehors. Moi je sais pas quoi. Un stand. Il y a quelque chose qui est dehors là. Tu veux partir? Ça marche pas. Il y a quoi? Absent, attendez. Il y a un frère qui a posé son stand devant à l'extérieur. Il y a un frère qui a posé son stand devant à l'extérieur. On prend ça, il prie pour qu'il tombe bas. C'est juste après que le bon chef mort. Tu mets ça, tu fais le flexible, tu tombes bas. Bon, moi je ne suis pas encore sur l'enfant. Je sais, je gère le truc. Oui, je ne suis pas Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit... Celui qui s'assoit, là où se termine l'assise, et celui qui voit un espace dans l'assemblée et qu'il s'y assoit. Ensuite, le Bukhari, rahimahullah, a mentionné une chaîne de transmission remontant jusqu'au compagnon Abu Wa'il al-Qaisi, radiallahu anhu. Qui a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam tandis qu'il était assis dans la mosquée en compagnie de gens trois personnes sont venues deux personnes sont venues vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et une est partie c'était pas compliqué il a dit deux se sont tenus en face du messager d'Allah. Quant à l'un d'eux, il a vu un espace aussi. Dans l'assemblée, il s'y est assis. Et quant à l'autre, il s'est assis derrière les gens. Et quant au troisième, il s'en est retourné et il est parti. Et lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a terminé, voulez-vous que je vous informe au sujet de ces trois personnes? Quant à l'un d'eux, il a cherché refuge auprès d'Allah. Et Allah lui a accordé refuge. Et quant à l'autre, il a eu honte. Et Allah a eu honte de lui. Et quant à l'autre, il s'est détourné. Et Allah s'est détourné de lui. فهنا في هذا الحديث في آخره استنبط العلماء على أن الجزاء عند الله من جنس العمل فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه فالذي أوى إلى الله والذي استحيا كان على خير فاستحقت ما فعلوا من جنس عمله وأما الآخر الثالث فأعرض أي عن الحلقة فأعرض الله فاستحق ما فعل من جنس عمله فالجزاء عند الله من جنس العمل فلا يسوي بين أهل الإسلام وبين أهل الإجرام فقد قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون فلا يستوي من تقرب إلى الله عز وجل بطاعاته وأساس الطاعة هو العلم الشرعي لأنه مفتاح أو مفتاح كل خير والعمل تابع للعلم فالذي أو فإذا اجتمع العلم والعمل فهو منهج المنعم عليهم الذين ذكر الله أصنافهم في آية واحدة يقول الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك هم رفيقا فهذا هو منهج المنعم عليهم الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى في كل ركعة من صلواتنا فريضة ونافلة أن نسأله أن يهدينا طريقه. يقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي النبيين والشهداء والصديقين والصالحين، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله أن يحول بيننا وبين الطريق المغضوب عليهم والضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود ومن تشبه بهم ولو كان من جملة المسلمين، وأما الضال فهم النصارى. على فضل حديث، lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe au sujet des trois personnes? Quant à l'un d'eux, il a cherché refuge auprès d'Allah et Allah lui a accordé refuge. Et quant à l'autre, il a eu honte et Allah a eu honte de lui. Et quant à l'autre, il s'est détourné et Allah s'est détourné de lui. De cette parole émise par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les savants en ont déduit que la rétribution auprès d'Allah ne se fait que selon ce que la personne peut. Que si elle œuvre du bien, sera récompensée. Que si elle œuvre du mal, elle sera récompensée en mal. Les deux premières personnes, celui qui a cherché refuge auprès d'Allah, et Allah lui a accordé refuge, et la deuxième personne qui a eu honte de bousculer, de presser les gens de l'assemblée, Allah a honte de lui. Ces deux personnes sont bien et Allah les agréera par le bien. Mais quant à l'autre qui s'est détourné volontairement, qui n'a pas voulu s'asseoir dans l'assemblée, qui n'a pas voulu rechercher la science, alors il a été rétribué et que Allah s'est détourné de lui. Et donc, c'est une règle qui a été établie, que la rétribution auprès d'Allah se fait que selon ce que la personne peut. Et donc, n'est pas égal, n'est pas équivalent. Ceux qui se sont soumis à Allah et les criminels, n'est pas équivalent le musulman au criminel, c'est-à-dire les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: est-ce que nous traiterons ceux qui se sont soumis à Allah à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Et donc, n'est pas équivalent celui qui se rapproche d'Allah tabarak wa ta'ala en accomplissant des actes d'obéissance. Et la base, le fondement, le principe des actes d'obéissance est la science légitime. La science légitime est la clé de tout bien. C'est le guide de l'acte. Et l'acte suit la science. est donc celui qui réunit la science et l'acte. Celui-là, il a suivi le chemin de ce qu'Allah a comblé de bienfaits. De ce qu'Allah a comblé de bienfaits. C'est pour cela que Allah Azza wa Jal dit, quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblé de bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que ceux-là. Donc ceci est le chemin de ceux qu'Allah a comblé de bienfaits. Le chemin qu'ils ont pris est la science, l'ilm, ou l'amal, l'acte. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans chaque unité de prière, donc dans toutes nos prières, que cette prière soit une prière obligatoire, que cette prière soit une prière surérogatoire, qu'on demande à Allah qu'il nous guide dans leur chemin. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Ceux que tu as comblés de bienfaits sont les véridiques, les martyrs, les prophètes et les vertueux. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a également demandé, il nous a également demandé, il nous a ordonné qu'on lui demande qu'il s'interpose entre nous et le chemin de ceux qui ont couru sa colère et les égarés. Ceux qui ont couru sa colère, comme nous l'avons vu la semaine dernière, sont les Juifs et ceux qui imitent les Juifs, et même s'ils font partie des musulmans. Comme on a vu, les Juifs ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal du fait qu'ils avaient la science mais qu'ils ne l'ont pas mis en pratique. Wa kadhalika ad-dallun. Et également les égarés. Et les égarés sont les chrétiens. Faman abadallaha ala al-jahl wa ala al-dalal fatashabbaha bin-nasara. Et donc celui qui adore Allah Azza wa Jal avec ignorance et égarement, il a certes ressemblé aux chrétiens. لِأَنَّ النَّصَارَ أَضَاعُوا كِتَابَهُمْ وَأَعْرَضُوا عَنْهُمْ وَفَضَّلُوا الْجَهْلَ عَلَى الْعِلْمِ وَاسْتَحَبُّوا الْعَمْيَ عَلَى الْهُدَى فكان جزاؤهم أن حكم الله عليهم بالضلال والضلال هو دين الحق فيقول الله عز وجل فما بعد الحق إلا الضلال والضلال هو الباطل. Et donc les chrétiens, ils ont égaré leur livre. Ils se sont détournés de leur livre. Et ils ont préféré l'ignorance à la science. Ils ont même également préféré l'égarement à la bonne guidée. Et c'est pour cela que leur rétribution donc leur rétribution, et que Allah subhanahu wa ta'ala a jugé qu'ils soient des égarés. Et l'égarement est l'opposé et le contraire de la vérité. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et qu'y a-t-il après la vérité sinon l'égarement? Et l'égarement est le faux. Fa man tashabbaha bihi ay bin nasara من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان من جملة المسلمين في الإعراض عن تعلم الواجب عليه من العلم الشرعي لاشتغاله بالدنيا إذ ليس له هم أن يتفقه في دين الله عز وجل الذي خلقه له من أجل أن يتفقه فيه ويعبد الله على بصيرة فكان همه محصورا في مأكله ومشربه وملبسه ومتاع الحياة استجابة لشهوته ورهبته فكان متشبها بالنصارى الضلال وكان منهم فيما تشبه به. Et donc celui qui ressemble aux chrétiens, fait partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et même qu'il soit un musulman, du fait qu'il s'est détourné d'apprendre la science obligatoire qui lui incombe, la science légitime, du fait qu'il a donné de l'importance à la vie d'ici-bas, ou qu'il s'est préoccupé de la vie d'ici-bas, à la science, car sa préoccupation n'était pas d'apprendre, de rechercher la science, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé pour ce fait, c'est-à-dire d'apprendre et mettre en pratique la science légitime. Mais seulement sa préoccupation a été limitée simplement à chercher sa nourriture, sa boisson, le vestimentaire ou tout bien de la vie d'ici-bas, en répondant à ses passions et à ses envies. Et donc, il a ressemblé aux chrétiens égarés. Et il a été connu du fait qu'il les a suivis en ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a dénigrés. وهذا يحصل في كثير من صفوف المسلمين يجهلون أصول الدين وأحكامه المعلومة من الدين بالضرورة. Et donc, malheureusement, cela se produit chez beaucoup de musulmans qui ignorent les bases de la religion. Ils ignorent les règles connues de la religion par nécessité. مثل كيفية طهاراتهم من الأحداث والأنجاس. Comme par exemple, comment se purifier des souillures, c'est-à-dire l'impureté mineure et majeure. Ce qui est recherché, ce qui est visé par ces propos, c'est-à-dire accomplir les petites ablutions, accomplir les grandes ablutions. Et de même, comment se purifier des impuretés, c'est-à-dire ici le sens al-najasat, les impuretés comme l'urine et autres. ومثل كيفية صلواتهم بسبب أنهم ما جلسوا إلى معلم ولا أخذوا هذه العلوم العظيمة التي لها القدر في ميزان الشرع ما أخذوها عن أهلها. La cause est de même comment accomplir la prière, comment accomplir les différentes prières. Et tout cela du fait, la cause, qu'ils ne se sont pas assis auprès d'une personne qui enseigne. Et ils n'ont pas pris également ces sciences importantes qui ont une grande valeur dans la législation. Ils n'ont pas pris cette science, ils ne l'ont pas recherchée auprès des gens de science, des savants. Fakana nutquhum bishahadatayn taqlidan biduni fahmin lilma'na waddalil 'ala dhalik. Et donc de même, ces personnes, que lorsqu'ils ont prononcé les deux attestations de foi, ils les ont prononcées sans comprendre le sens de leur signification. Et la preuve en cela, qu'ils n'ont pas compris l'attestation de foi, les deux attestations de foi. أنهم يتناقضون في التطبيق العملي إذ تجد الواحد منهم يشهد الشهادتين ويحلف بغير الله والدليل على ذلك أنهم يتناقضون في التطبيق العملي إذ تجد واحدا منهم يشهد الشهادتين ويحلف بغير الله وينظر لغير الله ويستشفع بالموتى وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فالسبب أنه ما فهم معنى لا إله إلا الله ولا فهم معنى شهادة أن محمد رسول الله وهي من الفرائض والواجبات على كل مكلف من العرب والعجم والذكور والإناث لا يعذر أحد بجهلها ما دام يجد معلما يعلمه ويجد قدرة على تعلم لا يعذر. Et donc, on voit beaucoup donc de la communauté qui n'ont pas compris ou qui attestent les deux attestations de foi sans avoir compris le sens de leur signification. Et la preuve en cela est qu'on les voit qu'ils se contradisent, qu'ils se contredisent, qu'ils se contredisent dans la pratique de ces deux attestations de foi. On les voit qu'ils attestent les deux attestations de foi et qu'ils jurent par autre que Allah et qu'ils font vœu pour autre que Allah et qu'ils demandent intercession aux défunts, aux morts. Et ils disent la parole « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah ». Et donc du fait qu'ils n'ont pas compris la signification de « La ilaha illallah » qui est « La ma'bouda bihaqqin illallah » point de véritable dignité à être adoré sinon Allah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Ils n'ont pas compris également l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah. Et donc, ces deux attestations font partie des obligations et des impositions que la législation a ordonnées à toute personne tenue responsable, que cette personne soit un arabe, que cette personne soit un étranger, c'est-à-dire un non-arabe, que cette personne soit de sexe masculin, que cette personne soit de sexe féminin. Personne n'est excusable d'ignorer la signification de ces deux attestations, tant qu'il trouve une personne qui lui enseigne et tant qu'il a la capacité d'apprendre, personne n'est excusé. Wa shahid an al jaza'a 'inda Allah tabaarak wa ta'ala min jins al 'amali la yusawwi bayna ahl al kufr wal fusuq wat tughyan وبين أهل العلم والإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة. ففي الدنيا أهل العلم وأهل الإيمان لهم منازلهم عند الله تبارك وتعالى، ولهم جزاؤهم بالحفظ وهداية التوفيق والتيسير الأمور وانشراح الصدور وإعداد الزاد ليوم الميعاد، وذلك بتوفيق الله لهم وبحفظ الله لهم. احفظ الله يحفظك. Et donc, ce qui tient le témoin, c'est que la rétribution auprès d'Allah Azza wa Jalla, elle ne se fait que selon ce que la personne a œuvré, n'est pas équivalent. Les gens de mécréance, de perversité et de transgression, aux gens de science et de foi, ni dans cette vie d'ici-bas et ni dans l'au-delà. Les gens de science et de foi, dans cette vie d'ici-bas, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne un haut grade, un noble rang dans cette vie d'ici-bas. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il les rétribue en les protégeant dans cette vie, en leur accordant avec succès la bonne guidée. Et de même, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette vie d'ici-bas, il leur facilite leurs œuvres, leurs actions. Il épanouit leur poitrine. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur fait provision de bien, c'est-à-dire de bonnes œuvres, dans cette vie d'ici-bas, pour qu'ils soient armés le jour de la résurrection. Et donc tout cela est par la réussite d'Allah Azza wa Jal, qui leur a accordé la bonne guidée dans cette vie d'ici-bas, et que Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés et protégés dans cette vie d'ici-bas. احفظ الله يحفظك. فهذا أو هذه الكلمة من قطعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في جامع الترمذي وفي مسند الإمام أحمد وفي المستدرك الإمام الحاكم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث. فهنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو صبي أو غلام لم يبلغ بعد، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الغلام التوحيد، فهذا استنبطه العلماء أنه يجوز تعليم الصبيان أمور التوحيد. والشاهد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك كما قال أهل العلم معنى هذه الكلمة احفظ الله يحفظك أي لازم تقوى الله والتقوى كما عرفها طلق بن حبيب رحمه الله تعالى التقوى أن تعمل بطاعة الله على النور من الله ترجو ثوابه وتترك معصية الله على النور من الله تخاف عقابه هذا معنى التقوى أي لازم تقوى الله يحفظك أي يقويك وينصرك ويرعاك وكذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك احفظ الله تجده تجاهك معنى هذه الكلمة لازم تقوى الله تجده معك في كل أحوال أي ينصرك ويرعاك ويقويك هذا ما قاله أهل العلم et donc lorsqu'on a dit احفظ الله يحفظك c'est-à-dire littéralement préserve Allah et Allah te préservera le sens où cette parole tout d'abord a été tirée d'un hadith qui est rapporté par Al-Tirmidhi dans son livre Al-Jami' également par Al-Imam Ahmed dans son Musnad et également par Al-Hakim dans son Mustadrak et d'autres c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au compagnon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu qui était un enfant lorsqu'il lui a tenu ses propos ce compagnon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu était un enfant et il lui a dit ô enfant je vais t'enseigner des propos des paroles Préserve Allah, Allah te préservera. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Et lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu implores le secours d'Allah. Et donc ici, comme l'ont signalé les gens de science, comme le grand savant, Al-Allama, Cheikh Mohammed ibn Salah Al-Athaymi, Rahimahullah Ta'ala, Vous pouvez le trouver dans son livre « Sharh Riyad Salihin ». Il a dit ici la permission d'enseigner aux enfants les points du tawhid. Que le messager sallallahu alayhi wa sallam à cet enfant, il lui a enseigné des points du tawhid. Et quand le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Préserve Allah » Allah te préservera. Cette parole, comme l'ont expliqué les gens de science, comme le grand savant qu'on vient de citer, cette parole veut dire reste attaché ou maintiens-toi dans la piété. Et la piété, qu'est-ce que la piété ? La piété, comme l'a défini Talq ibn Habib, Rahimahullah Ta'ala, cette parole, vous pouvez la trouver dans le Musnad de l'imam Ahmed, Rahimahullah, et aussi dans Shu'b al-Iman de Al-Bayhaqi, Rahimahullah. Cette parole a été authentifiée par les gens de science. Et cette parole est la piété, et que tu accomplis des actes d'obéissance à la lumière d'Allah. le sens, la lumière d'Allah, c'est-à-dire à se basant sur des preuves, et dont tu espères la récompense, et que tu t'écartes des actes de désobéissance à la lumière d'Allah, également basée sur des preuves, et dont tu crains son châtiment. Ceci est la piété. Et donc, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce compagnon, radiallahu anhu, Yahfadillah, donc maintiens-toi dans la piété. Yahfadka, et Allah te préservera. C'est-à-dire qu'Allah te secourra. C'est-à-dire qu'Allah te soutiendra. C'est-à-dire qu'Allah te fortifiera. Ceci est le sens des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, de même, quand il a poursuivi le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ihfadillah tajidhu tujahak » Préserve Allah, c'est-à-dire maintiens-toi dans la piété. Tu le trouveras en face de toi. Le sens, comme l'ont expliqué les gens de science, tu le trouveras en face de toi, c'est-à-dire que Allah sera avec toi dans toutes circonstances. C'est-à-dire qu'Allah, dans toutes circonstances, il te soutiendra, il te fortifiera, il te préservera. Ceci est l'explication de ces propos. إذن والثالث أما الثالث فأعرض عن الله وأعرض عن شرع الله ولم يأخذ نصيبه من هذا الغيث الذي فيه حياة القلوب والأرواح فهو محروم بسبب أنه أعرض فأعرض الله عنه فيقول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. Et donc quant au troisième, celui qui s'est détourné d'Allah, c'est qui s'est détourné de la science légitime, volontairement, bien sûr. Il s'est détourné de la science et qui n'a pas voulu prendre sa part de cette pluie, c'est-à-dire de cette science, dont cette science fait vivre ou revivifie les cœurs et les âmes. Et donc, il s'en est privé. Du fait qu'il s'est détourné et qu'il s'est détourné et qu'il s'est détourné et dont Allah Azza wa Jal s'est détourné de lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un diable qui sera son compagnon inséparable. فعندما قال البخاري رحمه الله تعالى باب من قعد حيث ينتهي من المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها فالإنسان يربط بهيئته إلى العلم وطلب العلم وأثناء جلوسه في حلقة العلم فكيف يكون آدبه وسمته وهيهته وطريقته حالا ومقالا وهذا لابد من ذلك وأول شيء الجلوس في حلقة العلم فلما يريد الإنسان الحضور في مجالس العلم فليس عليه Et donc, lorsque Al-Bukhari rahimahullah ta'ala a dit, chapitre, celui qui s'assoit là où se termine l'assemblée et qui voit, et celui qui voit un espace dans l'assise qu'il s'y assoit, on comprend que l'individu, que le musulman, le croyant, par son aspect, il doit être lié à la science et à la recherche de science. Et également, durant, lorsqu'il s'assoit dans des assises de science. C'est-à-dire que dans tous ses états, actes, faits et propos, l'individu, il doit avoir un bon comportement. Il doit avoir bonne allure et bon aspect. Et surtout, lorsqu'il s'assoit dans des assises de science. Et lorsque la personne se rend dans une assise de science, il ne lui convient pas de déranger ceux qui écoutent. فهذا أدب مما يشمل عليه الآداب في طلب العلم والحضور في المجالس فإذا رأى الإنسان فرجة في الحلقة أو فراغا في المجلس يأتي ويسد هذه الفرجة. Et donc ceci est un bon comportement. Et il fait partie des bons comportements que doit avoir celui qui recherche la science, qu'il s'assoit dans les assemblées, que lorsqu'il se rend une assemblée et qu'il voit un espace dans l'assise, dans l'assemblée, qu'il bouche cette assemblée, qu'il bouche cet espace, c'est-à-dire qu'il vienne s'asseoir dans cet espace. وهنا سؤال يطرح فهل إذا وجد الإنسان فرجة في داخل الحلقة فهل يسد هذه الفرجة؟ Et maintenant il y a une question qui se pose, que si maintenant la personne elle voit un espace au centre, au milieu de l'assemblée, est-ce que la personne doit s'y rendre pour combler cet espace ou non ? فالجواب كما قال أهل العلم منهم العلامة الشيخ عبد المحسن العبادي حفظه الله تعالى. إذا رأى الإنسان فرجة في داخل الحلقة فإن لم يصل إليها إلا بتخطي فليتخطى له أن يذهب ويجلس. فيوم الجمعة نهي عن تخطي رقاب الناس كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى عن رقاب الناس فقال له اجلس فقد أذيت. ولكن هنا الناس الذين جلسوا وراء هذه الفرجة هم المحرمون, كان عليهم إغلاق هذه الفرجة لا يحتاج إليها أحد. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا ينشئ صفا إلا وقد امتلأ قبله. المعنى أي لا ينشئ الصف. الثاني إلا وقد امتلأ الأول ولا ينشئ الصف الثالث إلا وقد امتلأ الثاني وهكذا. إذن فمن رأى فرجة داخل الحلقة لا يصل إليها إلا بتخطي فليذهب، لأنهم الناس هم السبب في ذلك بعدم إغلاقهم هذه الفرجة أو هذا المكان. Et donc la réponse concernant la question qui a été posée, comme l'a répondu le très grand savant, qu'Allah le préserve, Cheikh Abdul Mohsen Al-Abdou, Hafidhahullah Ta'ala, a dit, donc la question qui est celui qui trouve ou qui voit au sein de l'assemblée un espace. Donc, est-ce qu'il lui est permis d'aller s'asseoir dans cet espace? Donc la réponse est que celui qui voit un espace au centre de l'assemblée et qu'il ne peut s'y rendre qu'en enjambant les personnes qu'il y aille et qu'il s'assoit dans cet espace. Et le jour du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Il y a eu des textes signifiant qu'il est interdit le jour du vendredi, c'est-à-dire lorsqu'il y a le prêche du vendredi, d'enjamber les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui était en train d'enjamber les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, assieds-toi, car tu jettes, tu fais du mal. Mais ici, lors de l'assemblée, ce sont les gens qui s'en sont interdits. C'est-à-dire, c'est que les gens, il était une obligation pour eux de quoi ? De boucher cet espace. Et donc la faute revient à eux. Et de même, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant la composition de rang, lorsqu'on va accomplir la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de ne pas composer un rang tant que celui qui précède soit plein. C'est-à-dire qu'on n'a pas à faire le deuxième rang si le premier n'est pas rempli. On n'a pas à faire le troisième rang si le deuxième rang n'est pas rempli, et ainsi de suite. Et donc, concernant l'assemblée, donc celui qui voit un espace au centre de l'assemblée, il lui convient d'aller boucher cet espace. Et si, pour arriver à cet espace, il faut qu'il enjambe les gens, cela lui est permis. Donc du fait que les gens, il leur incombait, et ils ont été la cause de ce vide, il leur incombait de boucher cet espace. Et donc il n'y a aucun mal à enjamber les gens pour pour venir boucher cet espace. والآن ننتقل إلى باب التالي وهو باب العاشر. فقال البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه فقال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. Et donc, on passe au nouveau chapitre, qui est le chapitre numéro 10. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit chapitre, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Peu de ceux à qui on a transmis saisissent mieux que celui qui a écouté. Ensuite, il a cité Al-Bukhari, rahimahullah, une chaîne de transmission. Donc, Abdurrahman ibn Abi Bakra, d'après son père, a mentionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été assis sur sa chamelle, et dont un individu tenait les brides, et il a dit, c'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quel jour sommes-nous? Et les compagnons se sont tus. Ils ont gardé le silence, au point qu'ils ont pensé, que le messager sallallahu alayhi wa sallam allait le mentionner par un autre nom. Il a dit, est-ce que nous ne sommes pas le jour du sacrifice? Ils ont dit, oh que oui. Il a dit, quel mois sommes-nous? Nous nous sommes tus au point que nous pensions qu'il allait le nommer par autre que son nom. Il a dit, nous ne sommes pas le mois de Dhul-Hijja. Nous avons dit, oh que oui. Il a dit, certes, votre sang, vos biens, votre honneur entre vous sont sacrés, comme le caractère sacré de ce jour-ci, de ce mois-ci et de ce pays-ci, que celui qui a témoigné transmette à celui qui a été absent, et que celui qui a témoigné peut qu'il transmette à celui qui saisisse mieux que lui. فهذا الحديث الجليل هو من ضمن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع وله شأن عظيم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وبين لهم ما يجب عليهم لله من حقوق وواجبات وما يجب عليهم ببعضهم لبعض وما يحرم عليهم أن يعملوه وأن يقعوا فيه فبين النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ويوم العرفة في حجة الوداع ما يحتاجون إلى فهمه بيانا شافيا وحفظه أصحابه رضي الله عنه كحديث الجذير الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي من ضمنها هذه الكلمات المباركات. Et donc, ici, ce noble hadith fait partie du prêche qu'a tenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du sacrifice dans son pèlerinage d'adieu. Et ce prêche est d'une grande importance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Arafa, a mis en évidence et a prêché sa communauté en mettant en évidence ce qui leur incombe vis-à-vis d'Allah parmi les droits, les obligations et ce qui leur incombe entre eux et ce qui leur est interdit d'accomplir et de commettre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du sacrifice et le jour de Arafa, dans le pèlerinage d'adieu, il a mis en évidence clairement ce que la communauté a besoin de comprendre. Et les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont mémorisé le prêche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme le non-hadith qu'on appelle le hadith Jabir. C'est-à-dire que le compagnon Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu a mémorisé entièrement ce prêche. Et même ce compagnon qu'Allah l'agrée nous a décrit le pèlerinage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc durant ce prêche, il y avait ces mots bénis. وَهُنَا الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثِ لِغَرْضٍ أَنْ يُبَيِّنَ لِلْأُمَّةِ أَنَّ مَنْ عَمِلَ عِلْمًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ. Et donc ici, الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى il a rapporté ce hadith pour un but, pour un objectif, qui est de mettre en évidence à la communauté que celui qui a appris une science, il lui convient de transmettre à l'autre. Fa naktafi hadhihi layla bi hadha al-qadar wa inshaAllah sanuwasilu ما بقي من هذا الحديث على ضوء علم العلماء فنرى إن شاء الله في الأسبوع المقبل ما قاله أهل العلم إن شاء الله تعالى. Donc on va se contenter de ce qu'on a vu cette nuit et إن شاء الله on continuera donc l'explication de ce hadith à la lumière de la science des savants. Donc, on verra ce qu'on dit, nos saints bien-aimés, concernant donc, ce hadith. Inch'Allah, ta'ala. Subhanakallah, bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.